Chapitre 164. Le mérite de celui qui a perdu des enfants en bas âge. 952. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Nul musulman ne perd trois enfants n'ayant pas atteint l'âge de la puberté sans qu'Allah ne le fasse entrer au paradis par miséricorde pour eux. » Al-Bukhari et Muslim. 953. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Nul musulman ne perd trois enfants sans qu'il ne soit par cela préservé du feu de l'enfer, sauf en accomplissement du serment. » Al-Bukhari et Muslim. Le serment fait ici référence aux paroles d'Allah Ta'ala « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. » Sourate 19, verset 71. Il s'agit du passage sur le pont qui enjambe l'enfer, qu'Allah nous en préserve. 954. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, une femme se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pour lui demander « Ô messager d'Allah, les hommes bénéficient seuls de tes paroles. Consacre-nous donc un jour au cours duquel tu nous ferais profiter de ce qu'Allah t'a enseigné. » Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Rassemblez-vous tel jour. » Ce qu'elles firent. Il leur enseigna alors une partie de la science qu'Allah lui avait accordée, disant notamment « Nulle femme parmi vous ne perd trois de ses enfants sans qu'il ne soit pour elle un rempart contre le feu. » Une femme demanda « Et deux enfants ?» Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit « Même deux enfants. » Al-Bukhari et Muslim. 955.